الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا يقول الله جل وعلا في كتابه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المؤمنون إن الكثير من الناس اليوم يشكون من ضيق في المعيشة وقلق في النفس والسبب في ذلك بلا شك كثرة المعاصي والذنوب فمن منا لا يذنب ومن منا لا يعصي الله عز وجل بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم رواه مسلم وفي حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي وابن ماجه بل حتى التقي الورع يقع في الذنوب والمعاصي والله جل وعلا لما وصف المؤمنين المتقين ذكر أن من صفاتهم أنهم يقعون في الفواحش أو ظلم النفس واسمعوا رحمكم الله إلى المتقين إذا وقعوا في الذنوب والمعاصي ماذا يفعلون قال الله جل وعلا في صفتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون بل إن الفرق بين المؤمن الذي يذنب والفاجر الذي يعصي قد بينه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال له هكذا فطار أرأيتم من هذا الفرق بينهما كلاهما يعصي الله عز وجل ولكن المؤمن إذا عصى خاف وندم ووجل قلبه واستغفر وعمل الصالحات ليكفر عن السيئات أما الفاجر المنافق فيرتكب الذنوب والمعاصي ويفرح بذلك ويتباهى ويجاهر بها Chers serviteurs d'Allah, craignez votre Seigneur et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers croyants, à notre époque, beaucoup de gens se plaignent d'une gêne dans leur vie et d'une angoisse dans leur cœur. Et la cause à cela, sans aucun doute, est le fait de commettre beaucoup de péchés et de turpitudes. Mais qui d'entre nous ne commet pas de péché? Qui d'entre nous ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Par Allah, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous ferait alors disparaître et apportera des gens qui commettent des péchés et demandent pardon à Allah et il leur pardonnera, rapporté par Muslim. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également « Tous les enfants d'Adam commettent des péchés, mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent, rapporté par Al-Tirmidhi ou Ibn Majah. » Même la personne pieuse et dévouée commet des péchés. Allah dans le Coran, lorsqu'il a décrit les croyants pieux, il a cité que parmi leurs caractéristiques, ils commettent des turpitudes et causent préjudice à leurs propres âmes. Mais, écoutez, chers musulmans, ce qu'ils font lorsqu'ils commettent des turpitudes ou causent préjudice à leurs propres âmes. Allah dit dans le Coran, et pour ceux qui, s'ils ont commis ou causer quelque préjudice à leurs propres actes en désobéissant à Allah, se souviennent alors d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? La différence donc il y a entre le pieux qui commet des péchés et le pervers qui commet des péchés. Abdullah ibn Mas'ud, le célèbre compagnon, il nous donne cette différence. Et il nous dit, le croyant, il voit ses péchés comme une montagne au pied de laquelle il est assis et dont il craint qu'elle ne s'écroule sur lui. Tandis que le pervers, il voit ses péchés comme une mouche qui passe à côté de son nez et à laquelle il fait un signe de la main et elle s'envole. Avez-vous donc cerné la différence entre les deux? Tous les deux ont désobéi à Allah. Mais le croyant, après avoir commis le péché, a peur et regrette. Son cœur se remplit de crainte et il demande pardon à Allah et fait des bonnes œuvres pour effacer les mauvaises. Quant au pervers et à l'hypocrite, il commet des péchés et il est heureux de cela et s'en vante, et il les commet même au grand jour et sans honte. Et il va dire إذن لا بد من الذنب ولكن لا بد أن تحفظوا أنفسكم من الوقوع في هذه المعاصي وقد تسألون سؤالا كيف السبيل إلى حفظ النفس من المعاصي وقبل الإجابة على ذلك السؤال اعلموا أن للذنوب أضرارا ولتلك المعاصي سوءا في الوجه وظلمة في القلب واسمعوا إلى ربنا عز وجل كيف يصف أولئك الذين ابتعدوا عن شرعه وانتهكوا حرماته ووقعوا في الذنوب وأسرفوا فيها وانظروا كيف يصف الله حياتهم ومعيشتهم في هذه الحياة الدنيا قال الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تجده في الصباح يستيقظ على الأغاني ولا يعرف ذكر الله للسان سبيلا إذا ركب سيارته لا يسمع إلا الأغاني ويشعل السجائر واحدة والأخرى كلما رأى الفتيات تلفت يمنة ويسرى لا يغض بصره وكذلك المرأة لا تخرج من بيتها إلا متعطرة متبرجة كاشفة عن شعرها وذراعيها ليقول للناس انظروا لتقول للناس انظروا إليها وإذا رجعت إلى بيتها لا تذكر ذكرا ولا تصلي صلاة بل تجلس إلى التلفاز إلى منتصف الليل أو أكثر وإذا سألت هذا الرجل وهذه المرأة لما تفعلان ذلك لماذا تفعلان ذلك قال لك إنه الملل إنه ضيق في الصدر ولا أحس بلذة في الحياة أتعلم لماذا كل ذلك؟ لماذا الملل؟ ولماذا الضيق؟ ولماذا عدم اللذة بالحياة؟ لأنه الإعراض عن ذكر الله جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم وكذلك اليوم تنسى. Chers frères et sœurs, donc les péchés arrivent obligatoirement, mais il faut malgré cela se préserver de tomber dans ces mêmes péchés. Certains d'entre vous diront quel est le chemin à suivre pour préserver son âme des péchés. Avant de répondre à cela, sachez que les péchés causent des énormes dégâts et que la désobéissance à Allah cause des dommages. Donc cela cause une calamité sur le visage et une obscurité sur le cœur. Et écoutez, chers musulmans, comment Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans le Coran ceux qui se sont éloignés de sa religion et ont commis des interdits et ont transgressé les ordres divins. Voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala décrit leur vie ici-bas. Allah dit, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Vous les trouvez le matin, ils se réveillent en écoutant de la musique, ils ne connaissent pas les vocations d'Allah subhanahu wa ta'ala en se levant. En montant en voiture, ils écoutent de la musique, fument cigarette sur cigarette. Lorsqu'ils croisent des jeunes filles, ils les regardent à gauche et à droite, ils ne baissent pas le regard. Également la femme, elle ne sort de chez elle que parfumée, dévêtue, les cheveux au vent, les bras et les jambes découverts, comme si elle disait aux gens, regardez-moi. Et en rentrant chez elle, elle ne pense pas à Allah subhanahu wa ta'ala et n'accomplit pas la prière. Elle regarde la télé jusqu'à très tard la nuit. Et si on demande à cet homme et à cette femme, pourquoi faites-vous tout cela? Pourquoi désobéissez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala? Ils vous répondront, c'est l'ennui, c'est une gêne que nous avons dans la poitrine et ils ne ressentent aucun plaisir ici-bas. Ils ne ressentent aucun plaisir ici-bas. Il faut lui dire, et c'est pour cela donc, la cause à toutes ces choses-là, à l'ennui, à la gêne, au plaisir, c'est le fait qu'ils se sont éloignés du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Ça c'est la récompense ici-bas. Et dans l'au-delà, le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il ne pourra pas voir. Et il dira alors, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, de même que nos signes t'étaient venus et tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Akhi al-Muslim, sal ashab al-ma'asi wa al-dhunub, hal antum fi sa'ada? هل أنتم في سعادة؟ وانظر وتأمل في حالهم. عندهم كل شيء. أصحاب المعاصي عندهم الأموال، عندهم الملابس الفاخرة، عندهم السيارة الفاخرة، عندهم المآكل المتنوعة، وكذلك أنواع الأشربة. ولكن فقدوا شيئا، فقدوا ذكر الله، وفقدوا الصلاة، وفقدوا دين الله سبحانه وتعالى. وإنهم يشكون من ضيق في الصدر ويبحثون عن رقية تخفف عنهم آلامهم. ما من أحد يأتي إلى هذا المسجد يطلب الرقية إلا وهو بعيد كل البعد عن دين الله جل وعلا. معظمهم لا يصلي، معظمهم لا يعرف طريق المسجد، ثم يأتي إلى المسجد يطلب من يخفف عليه ألمه. خفف عليك ألمك بطاعة الله سبحانه وتعالى قبل أن تأتي إلى المسجد. أخي المسلم، يا من يعصي الله ليلا ونهارا، هل جربت الجلوس مع أخيك الصالح التقي الذي يصلي صلوات الخمس في أوقاتها، والذي يستيقظ لصلاة الصبح، والذي يقرأ القرآن، والذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يغض بصره، والذي يبتعد عن محارم الله جل وعلا؟ وأختي المسلمة، اجلسي مع أمة الله الصالحة التي تتحجب، والتي تحتشم، التي إن قامت فإنها تقوم لصلاة الفجر وتنام على ذكر الله وتستيقظ على ذكر الله وتغض بصرها وتحفظ محارم ربها. والصالحون المتقون قال فيهم رب العزة سبحانه وتعالى، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هؤلاء الصالحون المتقون قلوبهم مطمئنة، قلوبهم مطمئنة بحمد الله تبارك وتعالى وبسبب طاعتهم لله سبحانه وتعالى. إذن يا عبد الله، إذا كانت هذه أضرار المعاصي وأضرار الذنوب في هذه الحياة الدنيا، فما بالك بأضرارها والخسارة الناتجة عنها يوم القيامة وفي القبر وفي الحشر؟ Cher musulman, pose la question aux gens qui commettent des péchés et désobéissent à Allah en leur disant, êtes-vous heureux en faisant tout cela? Observe et médite sur leur situation. Ils possèdent tout ce qu'ils désirent. Les gens qui désobéissent à Allah, les jeunes, les moins jeunes, les hommes et les femmes, ils possèdent des richesses en général. Ils possèdent toutes les voitures qu'ils veulent. Ils possèdent pour les hommes toutes les femmes qu'ils veulent. Ils possèdent toutes les nourritures qu'ils veulent. Mais malgré cela, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le rappel d'Allah. Ils n'ont pas la prière et ils n'ont pas la religion d'Allah. Ils se plaignent d'une gêne dans la poitrine et ils cherchent une personne pour leur faire une pour alléger leur souffrance. Toutes les personnes qui viennent ici à la mosquée et dans les autres mosquées pour demander une ruqya, ce ne sont que des gens qui se sont éloignés de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on leur demande faites-vous la prière, ils disent non, on ne fait pas la prière. Lorsqu'on leur demande, certains même ne jeûnent pas, d'autres ne connaissent même pas le chemin de la mosquée, et ensuite lorsqu'il leur arrive un mal, ils demandent qu'on leur allège leur souffrance. Allégez vous-même vos souffrances en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Allégez vous-même vos souffrances en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, ô toi qui désobéis à Allah, as-tu essayé de t'asseoir avec une personne pieuse, une personne qui prie ses cinq prières en temps et en heure, qui se lève pour la prière de l'aube, qui lit le Coran, qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui baisse son regard et s'éloigne des interdits? Et ô toi, sœur musulmane, assieds-toi avec la servante d'Allah qui est pieuse, la femme voilée et pudique, celle qui se lève pour accomplir la prière, celle qui s'endort en se rappelant Allah, qui se réveille en se rappelant Allah, celle qui baisse son regard et s'éloigne des interdits d'Allah. Car ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il les a décrits dans le Coran, il a dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes, par l'évocation d'Allah, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Ô frères musulmans, donc, voilà les dégâts des péchés et les dommages des désobéissances ici-bas. La gêne, le manque de plaisir, l'ennui, le malheur. Que pensez-donc alors des dégâts et des mêmes péchés le jour dernier, Yawm al-Qiyamah, dans la tombe et le jour de la résurrection. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له. الصلاة والسلام على خاتم النبوءة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، كيف نحفظ أنفسنا من الذنوب والمعاصي؟ وكيف نبتعد عنها؟ وكيف نحصن أنفسنا؟ وكيف نحصن قلوبنا إذا أقبلت الذنوب والمعاصي؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. زمان الذي يتمسك بدينه كأنه قابض جمرة في يده، ويصبح الواحد ما يتحمل أن يتمسك بدينه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. في الصباح تراه مصليا ساجدا لله تبارك وتعالى، ذاكرا اسم الله، يعرف حق ربه جل وعلا. ثم إذا أقبل الليل وغربت الشمس فإذا به يجحد أوامر الله ويستهزئ بشرع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فماذا حدث؟ لماذا هذا التغير السريع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على ذلك: يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. فكم وكم من الناس كانوا صالحين، فإذا بشهوة أو بهوى أو بمعصية ينقلب بسببها على أعقابه. Chers musulmans, comment donc préserver nos âmes contre les péchés et les désobéissances? Comment nous éloigner des péchés et de la désobéissance? Comment protéger nos âmes lorsque les péchés viennent à nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il arrivera une époque où celui qui s'attache à sa religion sera comme celui qui tient une braise dans sa main. Celui qui s'attache à sa religion est comme celui qui tient une braise dans sa main. C'est-à-dire, c'est plus fort que ses capacités. Et c'est une grande difficulté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, en nous décrivant la fin des temps, il nous dit: empressez-vous de faire les bonnes œuvres, car il y aura des troubles comme des fragments de la nuit ténébreuse. L'homme se lèvera le matin croyant et il sera le soir mécréant. C'est-à-dire le matin, tu le vois prier, prosterné avec toi à la mosquée, invoquant le nom d'Allah, levant ses mains vers le Seigneur de l'univers, et le soir, on t'apprend qu'il n'est plus musulman et qu'il est mécréant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: et le soir, il est musulman et le matin, il est mécréant. Donc pourquoi ces changements aussi rapides? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y répond en disant: yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Il vend sa religion pour des futilités de la vie présente. Donc combien de personnes étaient pieuses à une époque, puis pour un désir, pour un péché, ils sont revenus sur leurs pas. Soit ils ne sont plus pieux mais ils sont restés musulmans, ou bien pire encore, iyadan billah, ils ont délaissé l'islam. Ibadallah. سأذكر لكم قصة تتحدث عن هذا الأمر. اسمعوا رحمكم الله إلى هذه القصة التي ذكر الإمام القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. يقول: يروى أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجدا للأذان والصلاة، وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة، فرقي يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي، فاطلع فيها، يعني رأى ما في داخل البيت، فرأى ابنك صاحب الدار، فافتتن بها وترك الأذان، ونزل إليها ودخل الدار فقالت له: ما شأنك؟ ما تريد؟ فقال: أنت أريد. قالت: لماذا؟ قال لها: قد سلبت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت له: لا أجيبك إلى ريبة، لا أستطيع أن أرتكب معك شيئا، قد حرمه الله حتى في ديننا. فقال لها: أتزوجك؟ فقالت له: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. فقال لها: إيش؟ أتنصر؟ فقال لها: أتنصر. قالت: إن فعلت أفعل. فتنصر ليتزوجها وأقام معها في الدار لمدة قصيرة. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح البيت، فسقط من السطح فمات. فلا هو بدينه ولا هو بها، لا هو بدينه ولا هو بها. فقال الإمام القرطبي بعد ذلك: نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. شاسر بكرد الله. Nous avons cité une histoire qui prouve que la personne, pour un péché, pour un désir, pour un plaisir, elle peut délaisser sa religion. L'Imam al-Qurtubi, رحمه الله, dans son livre التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة, il nous dit qu'il y avait en Égypte un homme assidu à la mosquée et qui faisait l'adhan et la prière. Et on pouvait voir sur lui la beauté de l'adoration et les lumières de l'obéissance. Un jour, il est monté en haut du minaret pour faire l'adhan comme à son habitude. Et sous le minaret, il y avait une maison de gens chrétiens. Du haut du minaret, il a observé à l'intérieur de la maison et il a vu la fille de cette famille. Et il a été séduit par sa beauté et a délaissé l'adhan. Il est alors descendu vers elle et est entré dans la maison. Elle lui a dit: que désires-tu? Il lui a dit: je te désire. Elle lui dit: pourquoi faire? Il lui dit: tu as dérobé mon cerveau et tu es parti avec mon cœur. Elle lui a dit: je ne peux tomber dans une chose douteuse. Il dit alors: je te veux comme épouse. Elle lui dit alors: tu es musulman et je suis chrétienne et mon père ne voudra pas me marier à toi. Il lui dit alors: je suis prêt à me christianiser. Elle dit alors: si tu es prêt à le faire, je suis prête à t'épouser. Il est alors devenu chrétien et s'est marié avec cette femme. Il est resté quelque temps dans cette maison, puis en est sorti, il est monté sur la terrasse et est tombé. Et il est mort. Donc il n'est ni mort avec sa religion, ni avec sa femme. Il a perdu ici-bas et l'au-delà. Après nous suivre. إن أول أمر تحفظ به نفسك من الذنوب والمعاصي والمحاسبة والمراقبة أن تراقب الله جل وعلا دائما وفي كل مكان واعلم أن هناك من يراك ومن يطلع عليك إنه الواحد الأحد إنه الذي يحسب عليك كل نفس وكل خاطرة وكل نظرة وكل كلمة قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار أي الذي يخفي نفسه في الظلام ويغلق الباب على نفسه الله سبحانه وتعالى يرى قال الله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى إذا أتيت يوم القيامة فإن الله عز وجل يعرض عليك كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا Chers musulmans, la première chose donc qui permet de se protéger des péchés, le fait de ressentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe, qu'il te voit toujours et à tout endroit. Et c'est celui qui compte toutes tes respirations, toutes tes pensées, tous tes regards, toutes tes paroles. Allah dit dans le Coran, le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime, sont égaux pour lui, celui qui parmi vous tient secret sa parole et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour. Celui qui se cache dans l'obscurité, celui qui ferme les portes, il faut qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Allah dit dans le Coran, Alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas que vraiment Allah voit. Au serviteur d'Allah, lorsque tu rencontreras Allah yawm al-qiyamah, il t'exposera un livre qui n'omet de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Allah dit dans le Coran, le jour où chacun se retrouvera confronté avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. واسمعي عبد الله أمر آخر به تحفظ نفسك من المعاصي إنه الخوف من الله الخوف من الله جل وعلا فلا تظن إذا عصيت الله أنها معصية ثم تذهب أو أنها نظرة ثم تضيع أو أنه الفيلم الإباحي الأخير ثم تتوب بعده إن الله جل وعلا يحذر الناس نفسه قال الله سبحانه وتعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين ألا تخاف يا عبد الله من الله جل وعلا وأنت تتجرأ على معصيته أن يأخذك الله ويقبض روحك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها قد تعمل أنت يعني على طاعة الله طوال حياتك ثم تعصي الله سبحانه وتعالى معصية واحدة قد تبدو صغيرة في عيونك الله عز وجل يكتب أن يقبضك الله أن يقبضك على هذه المعصية ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الناس وأصلحهم كيف كان يخاف تقول عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب وقد عذب قوم des rires. وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا ظنوا أن ذلك مطر فعذبهم الله سبحانه وتعالى في هذا السحاب والحديث متفق عليه. أما نحن بالأسف يرتكب الواحد منا المعاصي الواحدة والأخرى وينتهك المحرمات وهو يضحك وهو يلعب وهو لا يبالي ويضع رأسه على فراشه وهو مطمئن البال لا يصلي الصبح ولا يبالي يعصي الله سبحانه وتعالى طوال نهاره ولا يبالي. Une autre chose qui te permet de te préserver des péchés, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte du Seigneur de l'univers. Il ne faut surtout pas, lorsque l'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, penser que le péché que l'on commet n'est qu'un péché puis qu'il disparaît. Ou bien penser que nos regards ne seront pas comptés. Ou bien que la personne regarde un film interdit à la télévision ou toute autre chose et ensuite elle se repentit juste après. Allah subhanahu wa ta'ala, il met en garde les gens contre lui-même en disant « Ayez peur de moi si vous êtes croyant. » Ô musulman, n'as-tu pas peur qu'Allah prenne ton âme lorsque tu lui désobéis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et l'un de vous fait certainement l'œuvre des gens voués à l'enfer ou bien l'œuvre des gens voués au paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et le paradis. » Et voilà alors que sa prédestination le devance, il fait alors un acte de ce que font les gens de l'enfer et il y rentre. Toute sa vie, plusieurs années, il n'a jamais désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin de sa vie, il commet un péché qui paraît petit à ses yeux et Allah subhanahu wa ta'ala décide de prendre son âme. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'homme le plus pieux et le plus dévoué, à Allah subhanahu wa ta'ala, il avait peur de son Seigneur. La mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, nous dit, lorsqu'il voyait un nuage ou un vent, cela se voyait sur son visage. Elle dit, ô messager d'Allah, lorsque les gens en général voient un nuage, ils s'en réjouissent en espérant qu'il amène la pluie, mais lorsqu'un nuage arrive, je vois la réprobation sur ton visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ô Aïcha, qu'est-ce qui m'assure qu'il ne contienne pas un châtiment? Des peuples ont été châtiés par le vent et d'autres ont subi une punition alors qu'ils disaient « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie » rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Quant à nous, à notre époque, contrairement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons et aux pieux prédécesseurs, nous commettons des péchés jour et nuit en riant et en nous amusant. Sans nous préoccuper, nous posons notre tête sur notre oreiller serein et tranquille, alors que toute la journée, nous avons été désobéissants. Nous ne prions presque jamais, ou bien lorsque nous prions, ce sont des prières que faites très rapidement. Nous désobéissons à Allah subhanahu wa ta'ala toute la journée, et malgré cela, nous restons sereins et tranquilles. Sallallahu wa ta'ala, bi asma'ihi al-husna, wa sifatihi al-ula, an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.